aujourd'hui, je vais vous parler des dérèglements de la vie. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont passé leurs plus belles années à vivre dans la dissipation? Comme l'enfant prodigue, vous avez peut-être voulu profiter de la vie pour vous apercevoir en fin de compte que c'est la vie qui a profité de vous. Peut-être que vous avez vécu dans toutes sortes de débordements sexuels. Peut-être que vous vous êtes tellement abaissé à vos propres yeux qu'il vous paraît maintenant impossible de jamais pouvoir retrouver le respect de vous-même et de mener une vie pure et raisonnablement heureuse. Arrêtez-vous et écoutez bien. Si on ne peut pas changer le passé, on peut le faire laver par le sang de Jésus. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Saviez-vous que beaucoup des premiers chrétiens qui ont vécu des vies extraordinairement saintes ont été auparavant de très grands pécheurs? En 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul écrit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » La Bible dit aussi que « Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, et voici que toutes choses deviennent nouvelles. » Roy Hessian a écrit « Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre. La seule chose qui l'intéresse, c'est la restauration. » Il ne vient pas avec un grand bâton, ce n'est pas un inquisiteur, il ne vous fera pas la morale. Pourquoi es-tu tombé dans le péché? Non, il ne vous dit pas cela. Son seul désir, c'est votre guérison. Aucune situation ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre de situations qu'il a refaites, des problèmes qu'il a résolus, de la vie nouvelle qu'il a accordée à ceux qui ont gâché leur existence. » Fin de citation. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux. Mon Dieu, je reconnais avoir vécu loin de toi. Je reconnais avoir été malheureux par ma faute. Je désire une nouvelle vie. Je désire que ta vie vienne habiter dans ma vie. Je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité pour me faire vivre de sa vie. Je veux désormais vivre en observant les commandements de Dieu et les paroles de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.